Ndikobanyanka. Erukuimana sur la mise en onde, bienvenue à cette édition dont voici d'abord les principales articulations. 9 personnes civiles tuées, 5 autres blessées, tel est le bilan d'une attaque des hommes armés dans la nuit de ce dimanche à Buringa, en commune Gihanga de la province Bubanza. Préciser le communiqué du gouvernement rendu public ce lundi, une attaque déjà revendiquée par le mouvement Red Tabara, qui n'est toutefois l'attaque contre les civils, mais contre les positions militaires. Certains responsables des partis politiques ne soutiennent pas le quota régional pour entrer dans la faculté de médecine à l'université du Burundi, mais demandent au gouvernement de surseoir à cette mesure pour qu'elle soit bien analysée. Attrapé en train de voler au chef-lieu de la province de Bururi, un homme récemment libéré de la prison de Rutana par la grâce présidentielle est sous les verrous depuis ce dimanche au cachot du commissariat provincial de la police à Bururi. Notre correspondant sur place nous en dira plus. Bienvenue à ce journal. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons cette édition par la page sécurité. Pour la énième fois, le gouvernement du Burundi accuse le gouvernement rwandais de soutenir le mouvement armé Red Tabara qu'il qualifie de groupe terroriste. C'est après que ce mouvement ait perpétré encore une fois une attaque armée dans la nuit de ce dimanche à Buringa, en commune Gihanga de la province Bubanza, au cours de laquelle 9 personnes ont été tuées, 5 autres blessées. À travers le communiqué lu ce lundi par son secrétaire général, le gouvernement du Burundi appelle à tous les Burundais de rester sereins pour combattre toute forme de terrorisme. Le contenu de ce communiqué avec Jérôme Niyonzima, secrétaire général du gouvernement. 9 personnes mortes sur le champ, parmi elles 6 femmes et un militaire qui intervenait pour secourir la population. 5 personnes blessées, parmi elles 3 femmes. Dégâts matériels. Un véhicule incendié avec la dépouille mortelle qu'il transportait à la morgue. Un autre véhicule et une moto garée sur place incendiée. La permanence du parti CNDD-FDD vandalisée. Le gouvernement du Burundi condamne cette attaque. Le gouvernement du Burundi condamne cet acte ignoble et barbare contre une population innocente surprise en pleine circonstance de deuil. Le gouvernement du Burundi présente ses condoléances les plus attristés aux familles qui ont perdu la leur au cours de cette attaque terroriste et souhaite un prompt rétablissement aux personnes blessées. Le gouvernement du Burundi déplore encore une fois le comportement du Rwanda qui entretient, entraîne et arme le groupe terroriste Red Tabara qui ne cesse d'endeuiller au Burundi par des attaques ciblant des populations innocentes et exige l'extradition du cerveau de ce groupe terroriste hébergé au Rwanda. Le gouvernement du Burundi réitère son engagement à préserver la paix et la sécurité et demande au comité mixte de sécurité de redoubler de vigilance afin de prévenir et déjouer de tels actes qui ne font qu'endeuiller le peuple burundais. Le gouvernement du Burundi réitère son appel à tous les Burundais pour faire un front commun contre toute forme de terrorisme et communiquer aux autorités compétentes tout mouvement suspect. La préservation de la paix est une responsabilité citoyenne et patriotique. Entre-temps, le mouvement rebelle Red Tabara a déjà revendiqué avoir mené cette attaque. Via son compte Twitter X, ce mouvement dit avoir attaqué les positions militaires et non les civils. L'actualité continue sur Isanganiro avec la page éducation. Le parti Prona trouve nécessaire le test pour les finalistes du secondaire voulant entrer dans la faculté de médecine à l'université du Burundi. Le président de ce parti, qui le dit, trouve fondée la mesure du gouvernement de quota régional dans cette faculté. Mais Olivier Nkurunziza ne soutient pas cependant le fait de sacrifier les lauréats qui auront réussi au test d'entrée dans cette faculté en faveur de ceux qui auront la note inférieure. On l'écoute dans ses propos recueillis par Jean-Marie Mayonka. Au niveau du parti Prona, d'abord, vous savez que nous sommes les partisans de la méritocratie. Ce qui compte pour moi est qu'il n'y ait aucune province qui soit écartée au moment de la passation de l'examen. Que tous les élèves qui veulent passer l'examen d'entrée en médecine aient l'accès, effectivement, à une chance égale. Mais après avoir passé l'examen, il faut qu'effectivement le meilleur gagne. Il faut que le plus intelligent, sans toutefois tenir compte des quotas des provinces, mais plutôt des résultats obtenus lors de la passation de l'examen, c'est ça ce qui va compter. Pour moi, alors, si j'essaie d'analyser, peut-être qu'il y a des plaintes des provinces qui disent qu'il y a beaucoup d'élèves, peut-être de Bujumbura-Mairie, peut-être qui ont la chance de faire l'examen plus que les autres. Là, effectivement, il faut résoudre ce problème pour que tous les provinces aient la chance de passer l'examen. Mais pour moi, ce qui compte, après l'examen, mais il faut alors analyser le résultat. Si par exemple on a amené 5 élèves de la province de Bujumbura, 5 élèves de la province Gitega, 5 de la province Butanyerera, au moment des résultats, et que par exemple les 5 de la province Bujumbura ont eu des résultats plus que d'autres de la province Gitega ou Buhumuza, que ces élèves ne soient pas exclus suite à leur provenance de la province. Non, qu'on regarde exactement des résultats obtenus lors de la passation de l'examen. Le parti Sawanya-Frodebou, quant à lui, estime que le ministère de l'Éducation devrait considérer la bonne note au lieu des quotas provinciaux dans le choix des étudiants admis à la faculté de médecine. Propos tenus après que le Conseil des ministres ait décidé que le ministère de l'Éducation va considérer des quotas provinciaux. Le vice-président et porte-parole du parti, Sawanya-Frodebou, indique que cette décision va faire que le secteur de la santé fasse un bond en arrière. Phineas Nigaba demande au gouvernement de surseoir à cette mesure pour qu'elle soit bien analysée. Suivez-le dans ses propos recueillis par Sheila Ilambona. Cette décision, c'est une décision qui va faire reculer, je dirais, la qualité des étudiants que nous avions dans cette faculté de médecine. Il faut faire la sélection pour voir les meilleurs éléments. Nous, au niveau du Parti Sawanya-Frodebou, nous soutenons d'abord cette sélection. Il faut qu'on organise un examen, qu'on organise un test et que les volontaires puissent, concourir et que on va tenir compte des places disponibles dans cette faculté et on va maintenant voir, disons, les premiers éléments qui seront considérés. Mais si une fois cette décision est mise en application, le risque est que les meilleurs éléments ne pourront pas participer, ne pourront pas avoir accès à cette faculté et on pourra prendre des élèves ayant un pourcentage inférieur et ça sera vraiment une injustice. Parce on ne voit pas quelqu'un qui a prêté, par exemple, 60% qui peut rester et on va prendre quelqu'un qui a 45% ou 50%. Ça sera vraiment une injustice. Au niveau du Parti Sawanya-Frodebou, nous disons que les quotas au niveau de l'éducation ne sont pas nécessaires. Parce que ce qui est nécessaire, c'est la qualité, c'est, disons, les compétences. Nous lançons un appel vibrant au gouvernement à ce qu'on puisse, disons, ce soir, si cette mesure, pour garder les meilleurs éléments, c'est cela, l'équité même. Isanganiro, la radio de l'avenir. Page justice à présent, cette fois-ci à Burundi, où un homme récemment libéré de la prison de Rutana par la grâce présidentielle est sous le verrou depuis ce dimanche au cachot du commissariat provincial de la police à Burundi. Il a été attrapé quand il était en train de voler dans une maison du quartier Rumoni, au chef-lieu de cette province, selon les habitants de ce quartier qui ont même tenté de se faire justice. Les habitants de ce quartier demandent que cet homme récidiviste soit puni conformément à la loi. Les détails avec Zeno Nzambimana. Cet homme a été arrêté ce dimanche par les habitants du quartier Rumoni au chef-lieu de la province de Burundi, alerté par le chef d'emménage de ce quartier où cet homme venait d'être attrapé en train de voler à l'intérieur d'une chambre où il s'était introduit après avoir défoncé la fenêtre selon le chef de son ménage. Emporté par la colère, Les habitants de ce quartier ont même tenté de se faire justice, ni été l'intervention des policiers qui étaient dans ce quartier sur la route nationale numéro 16 Bururi-Rumonge, comme nous l'avons nous-mêmes constaté. Cet homme a été directement conduit au cachot du commissariat provincial de la police à Bururi. Ce présumé auteur du vol, originaire de la commune Butaganzwa, province Ruyigi, avait bénéficié d'une libération conditionnelle en date du 19 février de cette année, comme c'est mentionné sur son billet d'élargissement signé par le directeur de la prison de Rutana. Il avait été libéré provisoirement de cette maison de détention par la grâce présidentielle, selon les sources policières à Bururi. Les habitants du quartier Rumonyi demandent avec instance que ce dossier de cet homme récidiviste soit traité parmi les dossiers de flagrance. Au niveau de la police à Bururi, on indique que ce dossier est déjà en cours de traitement et une fois clôturé, sera transmis au niveau du parquet de Bururi. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. De Bururi, cap sur Kayanza pour parler agriculture. Après une semaine que la NAGESA est en train de collecter les grains de maïs des agriculteurs en commune Gattara sur trois zones, cette activité a été effectuée dans une seule zone. Les agriculteurs demandent que ce travail puisse s'étendre sur toute la commune. Michel Niukudi, agent de la NAGESA en commune Gattara, parlait de l'insuffisance de certains des matériels tels que les humidimètres et les balances. Bitsinda Ernest, agent provincial de la SIAP à Kayanza, indique que certains de ces matériels sont déjà disponibles et tranquillise les agriculteurs que leurs grains de maïs pourraient être achetés cette même semaine en cours. Le détail avec Patrick Saint-Guilf. La commune Gattara est composée de trois zones, Ndo, Gattara, Mbirizi et Ngoro. Après une semaine que l'Agence nationale de stock et de sécurité alimentaire collecte les grains de maïs des agriculteurs dans différentes localités du pays, en cette commune Gattara, seuls les agriculteurs de la zone Ngoro ont pu vendre les récoltes à la NAGESA. Les agriculteurs de la zone Gattara contactés disent qu'ils récupèrent dans une misère jusqu'à même manquer de l'argent pour se payer des semences et de haricots pour cette saison culturelle bien en cours. Ils demandent aux services habilités dans cette activité de la collecte et l'achat de la production du maïs des agriculteurs, de faire à ce que dans toute cette commune, qu'il y ait d'autres centres de collecte du maïs. Interrogé à ce propos, Michel Niukuri, l'agent de la NAGESA en commune Gattara, celui-ci nous a fait savoir que le problème est le manque de certains matériels comme les humidimètres et les balances. Bissinda Ernest, agent provincial à Kayanza de la coopérative d'investissement agropastoral SIAP en SIG, fait savoir que 15 humidimètres sont déjà disponibles, ce qui permettra, d'après lui, l'augmentation du nombre des centres de collecte du maïs. Julien Manila Kizasok, secrétaire exécutif et permanent de l'administrateur en commune Gattara, demande aux agriculteurs d'attendre la NAGESA au lieu de vendre leur production du maïs aux commerçants spéculateurs. Depuis Kayanza, Patrick Nsengyu va pour la radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. Place à la chronique sportive, les clubs évoluant dans le championnat national de football en deuxième division enregistrent tardivement leurs joueurs au sein de la Fédération burundaise de football du Burundi, FFB. Tel est le défi majeur qui s'observe dans l'organisation de ce championnat. Général de brigade de police Alexandre Mouyenge, président de la FFB, indique qu'à part la promotion de jouer le championnat de la première division Primus League, ces clubs ne reçoivent pas d'autres prix qui sont décernés aux équipes vainqueurs de ce championnat. Chronique Sport avec Jean-Marie Vianney Guindakoumane. À la fin du championnat national de football de la deuxième division, il n'y en a pas de prix qui sont décernés aux équipes vainqueurs de ce championnat, sauf les trois meilleures équipes qui se qualifient directement au championnat national de la première division Primus League. Explication du général de brigade de police Alexandre Mouyenge, président de la Fédération burundaise de football FFB. Pour la deuxième division, je dirais qu'il n'y a pas de prix qui sont décernés. C'est seulement la promotion de ces trois équipes qui vont en première division. Mais nous essayons toujours de chercher comment et aussi ils peuvent bénéficier de quelque chose. Mais jusqu'à maintenant, c'est toujours un problème pour la deuxième division. Bien que nous les appuyons pour l'organisation de la compétition, mais à la fin, vraiment, Je dirais qu'il n'y a pas quelque chose comme prix qui sont décernés pour les gagnants. Le président des clubs qui évolue dans son championnat national de football en deuxième division qu'il faut enregistrer tardivement leurs joueurs au sein de la Fédération burundaise de football. Tel est le défi majeur qui s'observe plus souvent dans l'organisation de son championnat. Les défis ne peuvent manquer, mais qui ne sont pas très alarmants. Dans chaque organisation, les défis ne peuvent pas manquer. En ce qui concerne l'enregistrement des joueurs, ça se fait, je dirais, tardivement, parce que la compétition peut commencer, alors qu'une équipe qui compte 30 joueurs ou 25, ceux qui sont en ordre, tu peux trouver 12, 13, 14, mais au fur et à mesure que les jours se passent, ils continuent à régler leurs problèmes. Donc je dirais, en premier lieu, c'est l'enregistrement tardif des joueurs qui se font. À cela s'ajoutent les lamentations de certains amateurs de ballon rond qui critiquent plus souvent la qualité d'arbitrage, selon le président de la Fédération burundaise de football FFB. Côté arbitrage, tu vois, nous aimons critiquer, les fans critiquent, les présidents de club critiquent, mais ce n'est pas une chose facile parce que l'être humain, c'est être humain. Nous critiquons, mais pour nous, si on nous donne le sifflet, ok, tu les remplaces, je pense que nous ne pouvons pas faire mieux qu'eux. C'est pour cela que nous organisons chaque année des formations pour les arbitres, pour qu'ils puissent être impartials dans tout ce qu'ils font. Mais je suis satisfait de leur travail, parce que ce n'est pas chose facile, mais ils essaient de tenir bon. Malgré cela, le général de brigade de police Alexandre Muyenge se réjouit de l'étape déjà franchie dans l'organisation de ce championnat. Actuellement, le football burundais a connu des progrès significatifs. À voir comment les différentes compétitions sont organisées, là où nous arrivons à la dernière journée sans connaître l'équipe championne, cela montre que c'est une évolution. Auparavant, vous vous souvenez, 3 journées avant, 4 journées avant, 2 journées avant, on connaissait déjà le gagnant. Pour les relégués, nous arrivons à la dernière journée aussi. Au moins, vous connaissez une seule équipe. D'autres équipes sont toujours en suspense. Cela aussi montre que le football burundais a évolué. Et nous espérons que si nous ayons peut-être des moyens financiers un peu accrus, nous pouvons faire mieux que ça. Le championnat national de football de la deuxième division est organisé par la FFB depuis la saison footballistique 2005-2006 avec la participation de 16 équipes. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Rekuimana pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Evariste Ndikobanyanga. Restez branchés sur notre antenne.